un ambito. J'aime pas les mythos, j'suis pas la bite. J'aime pas les BDH, je traîne avec l'autre. Parce que l'autre a du cash, mais ils auront mes cash. Ouais, moi j'te le dis cash. Tu vas manger ma gauche, j'vais te refaire le visage. On m'a dit que ça parle de moi, ça parle de lui et elle. Les murs ont des oreilles dans nos ruelles, t'es jaloux, c'est réel. Pourtant je suis pas au réel, hein. Et si tu me vends, c'est parce que tu le goûtes bien comme L'Oréal. Il me reste 1%, j'ai plus de batterie. Je suis moins derrière les gens, j'évite les bactéries. Chacun ses intérêts, chacun veut sa terrasse. Chacun veut son terrain, y'a que le billet qui intéresse. Pa, pa, pa. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pa, pa, pa. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais dis-moi qu'est-ce qu'il y a? Ouais, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais dis-moi qu'est-ce qu'il y a? Mais dis-moi qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il y a? Je crois que dans la... t'as trop skié. Mais qu'est-ce qu'il y a? Que je crois qu'est-ce qu'il y a? On a trop de style. Quand je rappe un petit style, j'évite les potes bâtards qui veulent te mettre à terre. Tu viens faire la star, loin de faire le gangster. Je vois le monde changer. À toi que c'est un rêve, je veux sortir un CRS. Devant tous les CRS. J'ai vu le papier rose, mais en cachette, je prends le RS. Et ils partaient trop du cul à MG Mercedes. J'ai vu leur manège et j'ai senti leur malaise. Leur absolument tout tous mes défauts, obligé d'y mettre la laisse. Ils chantent ma tristesse, ouais, comme chef Ralette. Toujours pas de balade, puis gars, pas si fort des palettes. Tu vois là, je me balade et je me sens plutôt à l'aise. Plutôt balèze, j'enroule un petit, j'mélange si t'es tabac. Si t'as pas de cœur, tu n'auras pas ce que t'as pas. J'ai pas d'embrouille, j'suis gentil à la base. J'peux rappeler sur du fait que même plus d'os. J'peux pas la pute, j'en mets j'carof. Mais j'me casse pas, même bon calof. Quand pas me vole, tu vois bien, mais c'est pas rose. C'est pas rose, mais c'est pas grave, j'en mets en bref. J'en fais la photo, l'autographe, photo c'est grave. Ça salope de mon orthographe, mais bon bref. Laisse ton verre, et si tu dans la zone, laisse ton verre, mets la gomme. La famille à la prise, pas compter tout ce qu'on m'a pris. Dans la vie, faut faire des tris quand ta tête est mise à prix. Dans le quartier, mon moteur crie vers le bloc de mes pneus crises. En freestyle, des codes, je brise. Là, je rappe sans peine crise. Un soin, je suis vise. Je fais pas la fiesta. Je suis pas ta cita. Tu dis toujours le best style. Ça tremble pour ta test 5. Drôle de destin, moi tout va bien pour l'instant. Je passe un crap vers l'instant. J'ai voulu me racheter un stunt. J'ai vite oublié. Fallait que je reprenne un suite parce que t'en es, faut encore s'oublier. C'est fort, mais tu es pas sérieux pour faire des billets. Ta grenade, elle sert à rien si tu l'as pas découpillé. Faites les marques pendant que j'écris. Sachez que j'écoute tout ce que ça me dit pour vous. J'ai du mépris. Allez, andale, vos habits s'emballent, vous faites que la balle, laissez-moi travailler, en live, zombie for me, à cause de vous, j'fais d'insomnie, j'vis comme un zombie, zombie, big up, les gens en conduit, ça me rappelle ma galère, quand j'vois le capricène, c'est un bon le capricène, ça me rappelle mes capriceux, allez, andale. C'est pour ceux qui te lâchent pas en cas de coup dur. Sur le cœur j'ai 135 points de soutien. Ouais, je fais pas ça pour le best, pas ça pour les sous, ni pour faire des showcases. Si je veux demain je quitte tout. Pour l'instant j'ai nique tout. Tant que tu peux, je trop plus de salope. Faut plus que je fais qu'en deux. Ouais, je sais que je fais en deux. Je sais que je fais en deux. Ok, je fais en deux, mais jamais je me vends en deux. Je fais des sons, je m'en bats les couilles. J'appelle tout le monde le sang. Sans m'en blesser, je suis plus le même. Et ça, tout le monde le sent. Je reste sincère. La célébrité, j'étais le même sans ça. Ça, j'ai sorti ma famille de la merde. Hein, j'ai fait 2-3 voyages. Tu vois, je veux dire rien sans ça. Pour niquer des mères, je suis pas le matin. Ils se voient passer un CO. Ah, je veux que ça tout suite. Je vois passer les chutes. Je vois passer des types. C'est loué, j'en fais des types. Tu peux te bra bra. Je fais des gagas. Tu comptes faire le lâche. Je ne sers pas dans tes bra bra. Marseille, c'est comme un aimant, c'est sourd, c'est Hamza. Que des talents cachés, y'a des futurs joueurs du Barça. Certains croient plus en moi, alors obligé, je crame ça. Elle est là, je t'envoie toute seule, c'est une femme ça. Je me suis gêné, ça m'a mis les gènes en gelée. Pourquoi envier les autres pour l'argent alors que je l'ai? J'appuie la cédule, mais un peu renouvelée. Tu parles de comme si c'était, je sais pas qui, vas-y tout pelé. J'viens, j'nique tout, je repars. Je reste le même depuis le départ. J't'en m'appellerai de foutre des stars. Attends 10 secondes, je tire deux de mes stars. Quand j'vois que le game te plaît, reste à terre. C'est le retour de l'extra-pire. Tu veux peut-être dans tes rêves. Ouais, je sais que je te dérange. Dans le sommet, je me dirige. J'en ai succès comme des manches. Attends de colmater. Gros calmaté. Je fais pas de karaté. Mais je connais des mecs qui peuvent te karater. Karaté. Plein de choses raté. J'ai vidé ma taille sur mon canapé. Quand c'était la D, j'en ai épaté. Quand je rappe, sans pas viser. Si c'est pas toi, chacun sait ce qu'il a fait. Mais à qui la faute, j'ai le corps à la frais. Je me délivre à la vraie. J'en puis les couilles mal après. Non, pas de maladresse. C'est qu'il faut pas m'idolâtrer. Fais gaffe, ça peut vite passer comme cette phrase à la craie. Fais gaffe, donne pas d'impôts, même s'il y a des sous à la clé. Le son, il est pas sorti, donc s'il te plaît, arrête de snapper. Je mets les lunettes. Comme le prof dans la case à des papels. Mon frérot, je n'ai jamais là où je n'ai pas pied. C'est le retour de Jules, ouais, mon frérot, n'aie pas peur.